dans mon univers. C'est trop d'enfer. Je ne sais où aller. Où mon cœur va me porter. Envie de découvrir le monde. Envie de trouver une blonde. Séduire les points, les roses.